إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Continue inshallah ta'ala bi'auni Allah azza wa jal l'explication en langue française du livre intitulé Min kunuz al-Qur'an al-Karim, le Cheikh al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. On s'est arrêté à l'explication de certains versets de Sourate Al-Qiyamah. Et le shir, avant cela, où il est ce qui est imprimé sur le livre, avant qu'il commence dans cette sourate, il s'écrit Wujuhun wa Wujuh. Et le terme Wujuh, c'est bien sûr le pluriel de Waj. Le terme Wujuhun, c'est le pluriel de Waj, et qui est en fait le visage. Donc, des visages et d'autres visages. Et on va voir que dans cette sourate et les deux prochaines également qui vont venir, le Shir va nous expliquer à travers ces versets quelle est la description donnée par le Coran des visages des croyants et des visages des mécréants. Wallahu musta'an. Sachant également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aussi un visage, un attribut d'Allah Azzawajal, sifatun dhatiya lillah Azzawajal, c'est-à-dire un attribut propre à l'entité divine et qui est bien sûr l'attribut du visage, al-waj, et c'est un attribut qui est attesté bilijma', c'est-à-dire par tous les savants de la sunna du consensus. Et bien entendu, comme cela est connu et comme on l'a expliqué de manière détaillée lorsqu'on a fait les différents cours propres aux attributs d'Allah Azzawajal, lorsqu'on a expliqué et détaillé toutes les règles des gens de la sunna du consensus, on a bien vu de manière claire et évidente qu'il n'y a aucune comparaison sous quel aspect que ce soit entre le créateur et les créatures, que ce soit dans son entité, que ce soit dans ses attributs, que ce soit dans ses noms ou que ce soit dans ses actes, subhanahu wa ta'ala. Suivant la règle précisée et établie dans le verset connu de tout le monde, Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir, rien ne lui ressemble, rien ne lui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, aucune ressemblance entre les créatures et le créateur. Dans ce verset sourate al-qiyamah, ou dans cette sourate, sourate al-qiyamah, le shir va choisir le verset numéro 22 jusqu'au 25. Yaqul al-shir qawluhu ta'ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wa wujuhun yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Wallah al-musta'an. Le shir, il dit ma'na qawlihi wujuhun yawma'idin nadira. Il va nous parler donc de cet adjectif, de cet attribut, de cette caractéristique qui est citée après le terme yawma'idin et qui est nadira. Il nous dit mushriqa, mudi'a, hasana, c'est-à-dire illuminée, éclairée, belle, comme savent être les visages des croyants. Illuminée, éclairée et beau. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Comme fi surat al-mutaffifin. Tu reconnaîtras sur le visage l'éclat de la félicité, l'éclat du bonheur. Et il dit également dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla, en parlant toujours donc des visages des croyants, وَلَقَّاهُمْ نَبْرَةً وَسُرُورًا. Ça c'est fait surat al-Insan, qui est le verset 11. Et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Et également, après avoir cité ces deux versets, le cheikh nous cite un des hadiths, hadith mutawatir, un hadith qui est venu avec beaucoup de chaînes de transmission et de beaucoup de sahaba. Et il nous précise même que le cheikh, que ce hadith a été rapporté par plus de 20 compagnons parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها نبر الله امرأة. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, va illuminer, va éclairer le visage d'une personne qui a entendu ma parole, مقالتي, c'est-à-dire la parole du prophète, que c'est le prophète qui parle, ma parole, qui a entendu ma parole, qui a entendu une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il l'a enregistré, qu'il l'a appris, mémorisé, fawara, qu'il l'a appris, l'a mémorisé, comme on conserve l'eau dans un récipient. Il a fait de même de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a conservé dans son cœur. Et ensuite, wa'addaha kama sami'a, et ensuite, il l'a retransmise, cette parole du prophète, il l'a retransmise comme il l'a entendue, à cette personne-là, qui a entendu une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il l'a transmise comme il l'a entendu, Allah Azzawajal lui illumine son visage, le rend beau, l'illumine, l'éclaire. Ensuite le shir va nous parler du deuxième verset, le verset 23. Fayaqul وَمَعْنَاهُ وَمَعْنَا قَوْلِهِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً أي تنظر إلى الله نظرا عيانا وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة. Le shir nous dit que dans ce verset il a rabbiha nazira, qu'ils ont traduit donc directement, qu'ils regarderont leur Seigneur. Ils regarderont leur Seigneur d'un regard direct, c'est-à-dire de leurs yeux ils vont voir leur Seigneur. De leurs yeux ils vont voir leur Seigneur. Et il nous dit le shir قد تواترت. Donc on revoit tout le temps ce terme mutawatir, wa qad tawatarat al ahadith an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que également les hadiths qui nous rapportent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous informent le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà le jour de la résurrection, tous ces hadiths sont très nombreux, sont venus avec beaucoup de chaînes de transmission et sont venus de la part de beaucoup de sahabis. Le shir n'en cite pas, il va citer une parole de Ibn Kathir qui nous rappelle cela et qui nous dit que beaucoup de hadiths avec beaucoup de chaînes de transmission, avec plusieurs versions sont advenues dans les livres de la Sunna, dans Al-Masanid, Al-Hisan, Al-Sihah, etc. Tous les livres donc qui sont relatifs à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces hadiths, on en cite un, et il y en a beaucoup. Hadith muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, et avant cela, kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laylat al-badr. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sahabi nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti auprès de nous une nuit, et cette nuit-là il y avait la lune qui était pleine, laylat al-badr, une nuit où la lune est pleine, c'est-à-dire qu'on voit la lune totalement. Faqala, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? Innakum satarawna rabbakum, vous verrez votre Seigneur, yawm al-qiyamah, le jour du jugement, kama tarawna hadha, et le prophète sallam a indiqué la lune, et il leur dit donc aux compagnons qui étaient présents et qui nous rapportent ces hadiths du prophète sallam, c'est la parole du prophète, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une déduction, c'est la parole même du prophète qui nous informe que l'on va voir, c'est-à-dire les croyants qu'ils verront, ou ici il dit à ses compagnons, et dans d'autres versions bien sûr, les croyants, il parle des croyants. Et ici en l'occurrence, il parle des compagnons, c'est-à-dire qu'il leur parle directement, il leur dit que vous verrez votre Seigneur, comme vous voyez cela, comme vous voyez la lune, comment on va voir la lune? La personne maintenant qui regarde le ciel, la lune est pleine, comment il voit cette lune? Sans, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun aucun nuage autour de cette lune. Il va voir la lune de la façon la plus facile par l'œil. De même, il verra son Seigneur. Donc le verset, il est clair. Le verset est clair. On va revenir à la signification qui a été donnée. Et également, les hadiths sont plus que clairs sur ce sujet. Et c'est pour ça que tous les savants de la sunna du consensus se sont réunis pour dire que les croyants verront leur Seigneur le jour du jugement, dans l'au-delà. Fidar al-Akhirah. Ensuite, le Shia va nous parler d'un autre hadith ou Arfouane d'un autre verset. Et bien entendu, les gens de l'innovation ont essayé de contrer cette croyance qui est plus que claire, présente dans le Coran et dans la Sunna, en venant, comme à leur habitude, en plaçant des doutes dans le cœur des gens et en expliquant des versets comme eux, ils veulent l'expliquer sans revenir, bien entendu, à la compréhension des salafs, à la compréhension des pieux prédécesseurs, à la compréhension des compagnons. Parmi ces versets, le verset suivant, يقول الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, ولا تنافي بين هذه الآية الكريمة وقوله تعالى. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, de contradiction entre les deux versets, le verset qu'on a cité et qui est donc le suivant, إلى ربها ناظرة, et le verset que l'on vient de citer ici maintenant, la tudrikul absaru wa wayudrikul absar. Il nous explique. Donc le verset, la tudrikul absar wa wayudrikul absar. Les regards ne peuvent l'atteindre et lui il atteint les regards. Donc pour revenir au terme employé ici par Allah Azzawajal, car c'est important, il a utilisé le verbe la tudriku et qui est bien sûr le verbe adraka. La tudriku, et qui est le verbe ici donc adraka, et qui vient donc du terme al-idrak, et qui est donc le fait d'atteindre. C'est pour ça que le peuple de Moïse, lorsqu'ils ont vu que l'armée de Pharaon est à leur poursuite, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Qalu inna la mudrakun, c'est-à-dire que ils ont dit nous sommes rattrapés, c'est-à-dire nous allons être rattrapés, nous allons être atteints par cette armée. Donc on voit ici le terme employé, inna la mudrakun, et qui est bien sûr du terme al-idrak, qui vient donc du verbe ici adraka. Le même verbe est utilisé dans ce verset, la tudrikul abasar wa wa yudrikul abasar. Les regards ne peuvent l'atteindre alors que lui, Allah wa huwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il atteint les regards. Il nous dit le shir, li'anna qawlahu, donc il va nous donner deux explications par rapport à ce verset. Il va nous donner deux explications par rapport à ce verset et pour bien le comprendre. Explication, c'est la première. Il nous dit la tudrikul absar qil innahu mahmulun ala nafi ru'yati fi dunya fayakun mithl qawlihi li Musa lan tarani ay fi dunya. Tayyib. Donc la première explication qui nous donne le shir, que cela donc est compris comme la négation de la vue d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. Et on sait bien que dans la vie d'ici-bas, Allah Azzawajal n'est pas vu. Et c'est pour ça qu'il a dit, lorsque Moussa a demandé de voir Allah Azzawajal, il lui a dit lan tarani, c'est-à-dire tu ne me verras pas, comme cela est cité dans le Coran et comme cela est connu de l'histoire de Moïse. Lan tarani, c'est-à-dire il lui a dit Allah Azzawajal, tu ne me verras pas. Et bien entendu, si tu ne me verras pas, c'est bel et bien compris que c'est Fiddunya, que c'est Fiddunya. On sait ce qui est arrivé ensuite avec Moussa lorsque la montagne a explosé. Donc il est clair et net ici que dans ce verset, l'antarani, c'est-à-dire tu ne verras pas dans la dunya, c'est-à-dire Fiddunya. Par contre, dans l'akhira, alors Allah Azzajal sera vu d'après les autres versets qui sont clairs et nets et d'après les hadiths du Prophète sallam qu'on a déjà cité. Donc c'est la première explication. La tudrikul absar, si on parle ici de ru'ya, alors, c'est-à-dire si on parle de la vue, alors c'est ici nafi, parce qu'on voit ici que le la tudrikul absar la nafia, c'est-à-dire donc la négation. Donc cette négation est la négation de la vue d'Allah Azzawajal dans cette vie d'ici-bas. Et Allah Azzawajal dans cette vie d'ici-bas n'est pas vu. Il sera vu dans l'au-delà. Il sera vu yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Ensuite, la deuxième explication également qui est donnée, et c'est une explication, yaqul al-shaykh waqil, et c'est également l'explication qui venait de al-aqida al-tahawiyah, yaqul waqil inna nafi al-idrak fil ayati la yastalzim nafi ru'ya. Wallahu ta'ala yura wa la yuhatu bi ru'yatan kama annahu yu'lam wa la yuhatu bi 'ilman. Wa nafi al-idrak huwa akhas la yastalzim nafi ar-ru'ya wa huwa a'am. Tayyib. Cheikh nous dit ici, et c'est un point qui est important. Comme on l'a vu dans le terme ici qui est employé dans le verset la tudriku, il nous dit que nafi al-idrak, donc la négation de ce terme al-idrak dans le verset, n'implique pas la négation de la vue. Inam. Pourquoi cela? Parce que l'idrak, c'est quelque chose qui est bien plus particulier que la vue, au niveau donc du terme. Au niveau du terme, dans la langue arabe, c'est un terme qui est bien plus particulier que ar-ru'ya. Et comme on l'a vu, de la parole du peuple de Moïse. Et donc, nier ce qu'on appelle l'idrak, et qui est le fait de cerner, de contenir, ne veut pas dire nier la vision. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal le sera vu. Mais est-ce qu'il sera vu tout entier? Est-ce qu'on verra Allah Azzawajal tout en entier? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, Wallahu ta'ala yura wa la yuhatu bi ru'yatan. C'est-à-dire qu'on ne peut voir Allah Azzawajal tout en entier. Mais on verra Allah Azzawajal. Et il nous dit le shir en faisant également une comparaison, Kama annahu yu'lam wa la yuhatu bi 'ilman. C'est-à-dire qu'on connaît Allah Azzawajal. On connaît d'après ses noms, d'après ses attributs. Comme Allah Azzawajal s'est décrit dans son Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit son Seigneur dans sa sunna, on connaît. Mais est-ce qu'on connaît tout en entier Allah Azzawajal? Est-ce qu'on connaît tout en entier Allah Azzawajal? On sait exactement. Et on connaît tout Allah Azzawajal, tout en entier Allah. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, kama annahu yu'lam wa la yuhatu bi 'ilman. Wa la yuhatu bi 'ilman. Inam. Donc il nous dit, nafi l'idrak wa akhas la yastalzimu. Et donc la vision ici est plus générale, alors que l'idrak, c'est-à-dire le fait de cerner, le fait de contenir, c'est bien plus particulier. Donc également, c'est la deuxième explication qui est donnée par rapport ici à la négation présente dans le verset suivant, la tudrikul absar. Également le shir, il va nous donner une autre explication qui a été donné par rapport à ce verset et qui est une explication qui est fausse. Pourquoi? Parce que c'est une explication qui n'est pas en conformité avec les règles de la langue basique de la langue arabe. Les règles basiques de la langue arabe. C'est pour ça qu'il dit وَتَأْوِيلُ مَنْ أَوَّلَ قَوْلَ إِلَى رَبِّيَ نَاظِرَ بِمَعْنَى إِنْتِظَارُ الثَّوَابِ غَيْرُ الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْإِنْتِظَارَ يَكُونُ مَعَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي كَمَا فِي قَوْلِي أُنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ من نوركم والنظر في هذه الآية ردي بحرف إلى ويدل على النظر بالبصر والفعل نظر يتعدى بنفسه وبفي وبإلى فالمعدى بنفسه للانتظار والمعدى بفي للتفكر والاعتبار والمعدى بإلى يكون للنظر بالأبصار يكون للنظر بالأبصار. طيب ici va nous tout simplement revenir au terme qui a été employé dans le verset. Il a rabbiha nazira. Donc nazira, ici ça va bien entendu du terme nazara, du verbe nazara que tout le monde connaît, nazara, qui se traduit par voir, avoir la vision de, voir, nazara. Bien sûr ce terme, et on sait que la langue arabe elle est riche, c'est un verbe mais il a plusieurs explications ce verbe, ou plutôt il prend plusieurs formes ce verbe suivant ce qui va être annexé à lui parmi les particules présentes dans la langue. Et c'est pour ça qu'il nous dit que ceux qui ont expliqué et qui ont dit que ici il a rabbiha nazira bima'na intidhar al-thawab ghayr al-sahih. Il nous dit que donc ce terme nazara ou le verbe nazara, il veut dire également l'attente. L'attente. Comme le verset cité où il a employé le même verbe lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset "Unzuruna naqtabis min nurikum", c'est-à-dire attendez que nous imprimions un peu de votre lumière. Attendez. On voit ici que c'est le verbe qui est bien sûr bisirat al-amr et qui est bien sûr le verbe navara. Donc dans ce verset, navara, le verbe navara veut dire attendez, comme cela a été traduit, attendez que nous imprimions de votre lumière. Mais ici il y a une règle pour pouvoir différencier lorsque on attend, où le verbe veut dire attendre, et lorsqu'il veut dire voir. Le shir va nous le préciser lorsqu'il veut dire également réfléchir. Donc pour revenir, ceux qui ont dit il a Rabbi anavira, c'est-à-dire en attendant, c'est-à-dire ceux qui vont attendre en attendant la récompense d'Allah Azzawajal. Ça, c'est l'explication qu'ils donnent, en attendant la récompense de leur Seigneur, c'est-à-dire ils attendent la récompense de leur Seigneur, en expliquant donc le terme Na'avira. Le cheikh va répondre avec une règle basique de la langue arabe. Il nous dit An-Nazar fi hadhihi al-aya uddiya bi harf ila, c'est-à-dire dans le verset qu'on est en train d'apprendre et qu'on est en train d'expliquer. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas ila rabbiha na'avira, ila, donc la particule ila, ila rabbiha na'avira, c'est-à-dire tanzur ila rabbiha, tanzur ila rabbiha, ila rabbiha. Et donc ici le verbe Nazara, il est transitif, mais il est transitif avec la particule ila. Et lorsqu'il est transitif avec la particule ila, on sait bel et bien que cela veut dire un navar bil basar, c'est-à-dire le regard avec la vision, le regard avec la vision, avec les yeux, bil basar. Tayyib. Et ça, c'est connu de la langue arabe. Donc c'est faux d'interpréter ce verset de cette façon-là. C'est contraire, totalement contraire à la langue. Pourquoi? Parce qu'ici il a été le verbe est transitif avec quoi? Avec la particule ila. Et lorsqu'il est transitif avec la particule ila, il veut dire tout simplement, lorsque tu dis navara ila, tu dis anzur ila ada shakhs, je regarde cette personne, c'est-à-dire en direction de cette personne, je regarde cette personne, c'est bel et bien le regard. Pourquoi? Parce que tu as dit anzuru ila, c'est-à-dire que tu as dû rendre le verbe transitif avec la particule ila. Il va nous rappeler que le verbe navara, il prend trois cas. Lorsqu'il est transitif avec la particule fi, lorsqu'il est transitif avec la particule ila, et lorsqu'il est transitif de lui-même. C'est-à-dire que le verbe navara, il peut être également transitif par lui-même. Et donc il va nous expliquer. Lorsqu'il est transitif par lui-même, ici ça veut dire intivar, ça veut dire donc l'attente. Comme dans le verset, on voit bien que le verset ici, il est transitif. Unvuruna, ici le na bien sûr, qui traduit donc al-maf'ulubi, qui traduit le complément d'objet. Et donc on voit bien qu'il y a une transition entre le verbe et ce complément. Unvuruna. Et il était ici transitif par une particule? Non, il était transitif par lui-même. On n'a pas dit unvurun ou unvuru ilayna. Ou onvoro fina, on a dit onvorona. Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset onvorona. Donc ici c'est bien l'intivar. C'est pour ça donc qu'on dit attendez que nous imprimions un peu de votre lumière. Tayyib. Par contre, s'il est transitif avec la particule fi, taqul anvor fi hadha al-amr. Anvor fi hadha al-amr. Ici, comme nous dit le shir, lorsqu'il est transitif avec fi, ça veut dire ici at-tafakkur al-irtibar, c'est-à-dire donc réfléchir et contempler, réfléchir sur une affaire. Donc tu dis anzuru fi hadha al-am, c'est-à-dire je réfléchis sur cette affaire. Taïb, lorsqu'il est donc transitif par le verbe ou par la particule fi. Et donc le dernier, et celui qu'on a déjà vu, lorsqu'il est transitif avec ila, yakun linnazari bil absar, c'est-à-dire qu'il traduit donc la vision par les yeux. Et c'est le cas ici du verset ila rabbiha navira. C'est-à-dire tanzur ila rabbiha. Donc je crois que c'est clair par rapport à cela. Et pour répondre à ceux qui ont dit cette parole-là, qui ont dit donc ici ma'na ila rabbiha navira intidar al-thawab, c'est-à-dire en attente de sa récompense, de la récompense d'Allah Azza wa Jalla. Et bien entendu, même ceux qui ont dit cette explication, c'est-à-dire comme l'imam Mujahid, même s'ils donnent cette explication par rapport à ce verset, il faut savoir qu'ils sont tous d'accord qu'Allah Azzawajal sera vu le jour du jugement, se référant aux autres versets et se référant également à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Simplement ici c'est une explication par rapport au verset, et on a vu que cette explication qui est donnée n'est pas bonne parce qu'elle n'est pas conforme à certaines règles basiques de la langue arabe comme on l'a expliqué précédemment, d'après bien sûr la citation du shir hafizahullah. Ensuite il nous rappelle également un autre verset où l'imam Shafi'i rahimullah, et qu'Allah Azza wa Jalla l'agré, kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjoubun. Allah Azza wa Jalla dit kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjoubun, c'est-à-dire qu'ils prennent garde, kalla, en vérité ce jour-là le voile les empêchera de voir leur Seigneur, la mahjoubun, Le voile les empêchera de voir leur Seigneur. La mahjouboun. Qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Shafi'i rahmatullah alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde par rapport à ce verset. Ma hajab al fujjar illa wa qad ulima anna al abrara yarunahu azza wa jalla. Thumma qad tawatarat al akhbar an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bima dalla alayhi siyaq al ayat al karima wa ya qawluhu ila rabbiha nadhira. Donc l'imam Shafi'i, il nous donne les deux explications. L'explication donc ila rabbiha nadhira, où l'imam Shafi'i explique que c'est bel et bien la vision d'Allah azza wa jalla, la vision par les yeux des croyants yawm al qiyamah, le jour du jugement. Et également en se référant à ce verset. Et également en se référant donc le verset qu'on vient de citer. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Qu'ils prennent garde, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir le Seigneur. Et par rapport à ce verset, il nous dit, si on les a empêchés de voir leur Seigneur de par ce voile-là, alors, et c'est le cas des Fujjar, des pervers, alors pour ce qui est des Abrar, pour ce qui est des pieux, alors eux, bien au contraire, les pieux verront leur Seigneur. Si eux, ils n'ont pu voir leur Seigneur et qu'on a mis un voile, la mahjouboun, qu'on a mis un voile entre eux et leur Seigneur, et qu'ils ne pourront voir leur Seigneur, alors les pieux pourront voir leur Seigneur. Et en rappelant l'imam Shafi'i, en rappelant tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rappelés dans cela, et en rappelant le verset qu'on vient d'expliquer, ila rabbiha nadhira. Ensuite le shaykh, pour passer donc à la suite des versets qu'il a cités, et il nous dit, c'est-à-dire les deux autres versets, wa wujuhun yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Et donc qui sont les versets suivants, et il y aura ce jour-là des visages sombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Et donc par rapport donc au terme basira, il nous rapporte certaines paroles des savants de l'explication du Coran, yani tagayyur alwaniha, c'est-à-dire le changement de la couleur de leur visage. Et d'autres disent abissa, c'est-à-dire renfrogné. Tavonnu, le verbe tavonnu, donc le verbe vanna, et qui veut dire dans beaucoup de cas la certitude, avoir la certitude. C'est pour ça donc qu'il nous rappelle que ici c'est la certitude qu'ils vont subir, ces gens-là, c'est-à-dire une catastrophe. Et bien sûr ici catastrophe, c'est-à-dire la perdition, et qui est bien sûr la calamité, et qu'on va traduire ici. Ils ont la certitude qu'ils vont rentrer dans le feu. Ça, c'est l'explication du verset. Tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Voilà donc pour l'explication de ces versets. Ensuite, le shir, il passe à Surat Abasa. Et dans le verset également, ou les versets qu'il a choisi, le shir, et qui sont les versets de 38 à 41, il est également question de visage. Il dit le shir, qawluhu ta'ala, wujuhun yawma idhin musfira. ضاحكة مستبشرة وهجوم يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. Il va donc nous donner l'explication de ces termes. Musfira, mubiya, mushriqa, mustanira. Et donc, les versets donc sont les suivants. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Donc on voit ici que le shir, il nous a rapporté les différentes explications, c'est-à-dire éclairé, illuminé, brillant. Ce sont donc des visages qui sont brillants, illuminés, éclairés. Et d'autres, et dans l'autre caractéristique, ضاحكتون, donc وجوه يومئذ مسفرة, et l'autre caractéristique, ضاحكتون, يعني فرحة وسرورا أو مسرورة, c'est-à-dire qu'elles seront heureuses et qu'elles seront joyeuses, riant et réjouies. Et réjouies, مستبشرة, et réjouies. Réjouies de quoi? De ce qu'Allah Azzawajal, comme nous le rappelle le shir, de ce qu'Allah Azzawajal leur a promis comme délice éternel, et comme jarna, et comme paradis. Cela, c'est le visage des croyants le jour du jugement. Comme ça sera le visage des croyants. Musfira, bahika, mustabshira. Il nous dit le shir, wa amma wujud al kuffar, faqad wasafa Allah Azzawajal bi qawlihi. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, tarahaquha qatara, recouverts de ténèbres. Et donc il nous rappelle par rapport à cela la parole de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, qui dit donc rabara, c'est-à-dire dessus de la poussière, wad-dukhan, c'est-à-dire également de la fumée, enfumée. Donc des visages qui sont poussiéreux, des visages qui sont enfumés. tarhaqwa ay tarsha, c'est-à-dire que ses visages seront enveloppés. Ils seront enveloppés. Enveloppés de quoi? Qatara, c'est-à-dire kusuf wa sawad, c'est-à-dire ténèbres et de noir. Et il nous rappelle également une parole de Ibn Abbas qui dit dhilla wa shidda, c'est-à-dire des visages qui sont recouverts d'humiliation également. Ce qui est venu dans l'explication de ce terme. Qatara, Allah al-Musta'an. Ça donc c'est pour les visages, les caractéristiques des visages des croyants et également des mécréants le jour du jugement. Fil akhirah. Et ensuite il passe à une autre sourate, et qui est sourate al-Ghashiya, où le shir va également nous parler ou rapporter donc des versets dans cette sourate qui sont en relation également ou qui relatent les caractéristiques des visages des croyants et également des visages des mécréants. Il dit le shir qawluhu ta'ala hujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. Ça c'est donc surat al-Ghashiya et c'est le verset 2 et 11. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, amilatun nasiba, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort. Isariya rabia, fi jannatin aliya, dans un haut jardin. La tasma'u fiha lariya. La tasma'u fiha lariya. On n'entendra pas à l'intérieur de ces jardins, c'est-à-dire dans ces hauts jardins, fi jannatin aliya, de paroles futiles. Il nous dit le shir. قيل إن هذه الصفات لوجوه ويكونها خاشعة عاملة ناصبة. Donc il est dit par rapport à toutes ces caractéristiques, ce sont les caractéristiques propres au visage, et c'est dans l'au-delà. Et d'autres ont dit que cela est dans la vie d'ici-bas. Ceux qui ont dit que c'était dans la vie d'ici-bas, il dit le shir بمعنى أو أي أن تتعب وتنصب وتجتهد في العمل وتذل فيه. فلا ينفع ذلك في الدار الآخرة لأنه مبني على الضلال. وقال البخاري في تفسير من صحيحه وقال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى. Il nous dit le shir, pour ceux qui ont dit donc que c'était ces visages ou que ces caractéristiques, ces attributs ou qui relatent donc ces visages là ce sont, et si on prend l'explication par rapport à ceux qui disent que c'est dans cette vie d'ici bas, comment on l'explique? On l'explique que ces gens-là, ils ont un visage qui va être marqué donc par la fatigue, qui va être marqué par l'épuisement et le redoublement d'efforts dans le travail, et également par l'humiliation, par le rabaissement. Sachant que tout cela, rien ne leur sera valable dans Fidar al-Akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que cela, yannoum abniyoun ala dalal, parce que cela donc repose et bâtit sur l'égarement. Et c'est pour ça qu'il va nous rappeler l'imam al-Bukhari dans son tafsir, dans son authentique, dans son chapitre du tafsir, il va nous dire une parole de Ibn Abbas, qui a dit par rapport à Amilatun Nasiba, il a dit que c'était les chrétiens, An-Nasara. Et si on comprend par rapport à ce qu'on a dit auparavant, et que cela est dans la vie d'ici-bas, c'est qu'An-Nasara, parmi eux, il y a ceux qui travaillent pour l'au-delà et qui font des efforts par rapport à l'au-delà. Mais ils ont fait des efforts, comme le dit le shir Mabnun al-Abdallah, ils ont fait des efforts qui sont bâtis sur une croyance qui est fausse, une croyance de polythéisme, et donc une croyance d'égarement. Et donc leur travail repose sur l'égarement. Et donc avec cette fatigue, et avec ce redoublement d'efforts dans cette vie d'ici-bas, et leur travail, alors ils n'auront rien dans l'au-delà. Et ça, c'est également donc le cas des chrétiens. Le cas des chrétiens. C'est pour ça donc Ibn Abbas nous rapporte cette explication pour ce qui est du verset Amilatun Nasiba, préoccupé, harassé. Et pour ceux qui ont dit que c'était dans l'au-delà, alors l'explication est claire. Également, l'imam Al-Qurtubi, dans son tafsir, il va nous rapporter une parole de Ali, radiallahu ta'ala anhu, et qui nous dit que Amilatun Nasiba, ces gens-là, ce sont en fait, il dit, Innahum Ahlu Harura, c'est-à-dire, et qui sont bien sûr Al-Khawarij. الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث. Et donc ici le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a donné beaucoup des caractéristiques et des attributs de ces gens-là qui sont al-khawarij dans des hadiths authentiques rapportés par l'imam Al-Bukhari, également par l'imam Muslim et d'autres encore, et qui sont fa'abita fi sunnah, qui sont authentiques dans la sunnah du prophète sallam. Et donc lorsque Ali a parlé à propos de ce verset Amilatun Nasiba et qu'il a dit que ça concernait Al-Khawarij, et on va voir exactement sous quel aspect ça les concerne et pourquoi Ali il a dit cette parole, il nous a rappelé l'imam Al-Qurtubi une des paroles du prophète sallam dans justement la citation de caractéristiques ou des caractéristiques des khawarij. تحقرون صلاتكم مع صلاتي. Il parle bien sûr aux compagnons. C'est-à-dire que تحقرون تستقلون. C'est-à-dire que vous allez trouver vos prières, que vous allez trouver vos jeûnes, que vous allez trouver vos actions de manière générale, petites ou plutôt peu, faibles, pas assez, devant leurs prières, devant leurs jeûnes et devant leurs actions de manière générale. C'est-à-dire que ce sont des gens de l'adoration. Al-Khawarij, ce sont des gens de l'adoration. C'est pour ça que le prophète sallam les a désignés comme tels. Et sous cet aspect-là, ils vont ressembler à qui ? Aux Nasara, aux chrétiens. Et donc, ça va rentrer également dans l'explication qui nous avait été donnée par Ibn Abbas. Donc, une explication d'Ibn Abbas, une explication de Ali. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils ont également une croyance qui va être bâtie sur le faux. Et malgré les grands efforts qu'ils vont faire dans cette vie d'ici-bas, et c'est pour ça que l'imam Al-Qurtubi il nous a rapporté cette parole, yani al-khawarij alladhina dhakarahum rasulullah sallam tahqiruna salatakum, pour nous rappeler qu'ils sont des gens de l'adoration et qu'ils font beaucoup d'adoration, au point où lorsqu'on va regarder nos prières par rapport à leurs prières, lorsqu'on va regarder notre jeûne par rapport à leur jeûne, etc., on va voir qu'ils sont bien peu par rapport à ce que eux ils font. Et donc ce sont des grands efforts. Et donc ils ont la fatigue, amilatun nasiba, préoccupés, harassés, et la fatigue sur eux, comme on l'a déjà expliqué par rapport à cette vie d'ici-bas, parce qu'ils travaillent pour le-delà en adorant Allah Azzawajal, mais par le faux ou sur l'égarement, comme c'était le cas de Nasar. Donc on voit wajh at-tashbih, on voit également l'aspect comparatif entre les deux fi'a, c'est-à-dire entre les deux parties ou entre les deux groupes. Et ensuite, il nous rappelle cette parole du prophète qui est la suite du hadith yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, c'est-à-dire qu'ils sortent, yakhrujun yamruqun, mais ils sortent avec force min ad-din, de la religion, kama yamruqu as-sahmu min ar-rami, c'est-à-dire comme la lance sort du gibier. Pourquoi? Parce que le terme as-sahm, bien sûr, qui est la lance, et ar-ramiya ala wazn fa'ila, et qui est as-sayd al-marmi, c'est-à-dire la proie ou le gibier qui était atteint par cette lance. Lorsqu'on lance la lance avec force, tellement la lance avec force et tellement qu'elle atteint avec force le gibier, elle rentre dans le gibier et elle ressort du gibier, c'est-à-dire qu'elle va ressortir de l'autre côté du corps du gibier, tellement elle était lancée forte. Et c'est marna kamayam al-khusamu min al-rami, de cette façon là ils sortent de la religion. Donc on voit ici également comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés et comment ils sortent de la religion par rapport à cela. Et bien sûr, beaucoup de savants ont pris cet argument pour dire que Al-Khawarij sont sortis de l'islam, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie des musulmans. Et ici, bien entendu, irtilaf, divergence des savants pour dire est-ce qu'ils sont sortis ou est-ce qu'ils ne sont pas sortis de l'islam. À la kulli hal. Lorsqu'on revient donc à l'explication, et on voit donc que ça, ou que Amilatun Nasiba a été également, ses attributs ont été donnés lors de l'explication par Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu à propos des Khawarij, ceux qu'il a combattu. Et donc, s'il a dit cela, on va voir pourquoi, et comme on l'a déjà expliqué, mais on va le voir un peu plus bas, pour, et comment le cheikh nous explique. Et parmi également les sifats des Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par rapport à eux, « Annahum hudafa'ul asnan, ou ahdathul asnan, wa sufaha'ul ahlam, hudafa'ul asnan, ou sufaha'ul ahlam, wa ahdathul asnani, ceux qui ont des dents qui sont encore jeunes. » Et donc, pour prouver que ce sont des gens qui sont, pour beaucoup d'entre eux, jeunes, des jeunes gens qui sont encore jeunes, très jeunes, sufaha'ul ahlam, et qui ont des rêves qui sont de l'ordre de la naïveté. Ils rêvent à des choses comme les imbéciles. Ils rêvent à des choses qui ne peuvent être concrétisées. Ils vont loin dans leurs rêves. Sufaha'ul ahlam. Ils sont par rapport donc à leurs rêves imbéciles, naïfs. Comme le jeune qui rêve à des choses qui sont pratiquement irréalisables. Hudafa'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Également, ça fait partie des caractéristiques. Et beaucoup de caractéristiques ont été données par le prophète sallam en parlant des Khawarij. Donc on a compris pourquoi cette parole de Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu à propos des Khawarij pour ce qui est de l'explication de ce verset Amilatun Nasiba. Il va nous rappeler également une parole de l'imam Ibn Kathir rahmatullah alayh, et il va nous expliquer pourquoi certains des Sahaba, ils ont expliqué que le verset précédent, et comme c'est le cas du verset également du verset qui va être cité, donc on reprend la parole du Cheikh et qui nous rapporte la parole d'Ibn Kathir. قال Ibn Kathir في الكلام على قول الله في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا C'est très important qu'il nous rappelle cette parole d'Ibn Kathir, et pour nous faire comprendre encore plus le sens de ce verset Amilatun Nasiba, et pour nous faire comprendre encore plus pourquoi Ali, lorsqu'il a expliqué ce verset, il a dit ça concerne les Khawarij, et pourquoi Ibn Abbas, lorsqu'il a expliqué ce verset, il a dit ça concerne les Nasara, ça concerne les chrétiens, ceux dont l'effort ou avant dit voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ici, on voit bien que dans le verset, dans ces deux versets, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Comment l'a expliqué par rapport à Nasara? Comment l'a expliqué par rapport à Khawarij? Ils font des efforts. Ils font des efforts. Mais ce sont les plus grands des perdants, parce que tous ces efforts vont partir en vain. Parce que leur effort dans cette vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Et ils croient qu'ils s'imaginent faire le bien. Et ça, c'est le cas des Nasara. C'est également le cas des Yahoud. Parce qu'à propos de ce verset, Sa'd ibn Abi Waqqas nous rappelle également qu'une parole, il nous rappelle sa parole ou son explication, et il nous dit que ces deux versets qu'on a cités sont concernés également les Yahoud ou les Nasara. Et également, il va nous rapporter la parole de Ali ibn Abi Talib, Wad-Dahhak et d'autres qui ont dit que ça concerne également Al-Khawarij par rapport à ces deux versets, et qui vont être proches également dans le sens du verset Amilatun Nasiba, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire donc ceux qui travaillent et qui s'activent et qui redoublent d'efforts dans cette vie d'ici-bas, mais que rien en contrepartie. Pourquoi? Parce que c'est bâti sur Al-Balal. Et donc il nous dit wa ma'na hadha an Ali an hadhihi al-ayat al-karima tashmil al-hururiyya. Al-hururiyya, c'est-à-dire bien sûr al-hururiyya, ceux qui sont donc al-khawarij. كما تشمل اليهود والنصارى comme ils comprennent ce verset, donc englobe les Khawarij, englobe également les juifs et les chrétiens. لا أن نزلت على هؤلاء على الخصوص ولا على هؤلاء بل هي أعم من هذا. C'est-à-dire que les versets qu'on a vus au départ et les deux versets que l'on voit maintenant, c'est des versets qui sont bien plus généraux. On voit qu'ils ne sont pas descendus spécialement sur اليهود والنصارى ou sur les Khawarij, mais que ils ont été descendus par rapport à leurs caractéristiques à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont descendus sur des gens qui ont des caractéristiques précises, et que Al-Nasara, Al-Yahoud ou Al-Khawarij, eux, ils ont donc ces mêmes caractéristiques. Donc, c'était évident que les grands commentateurs du Coran les ont expliqués par ces gens, c'est-à-dire en faisant comprendre que ces versets englobent ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il nous dit que, bien entendu, c'est les versets lorsqu'ils sont descendus, et comme le verset du paravent, Al-Ayatu Mekkiya, c'est-à-dire elle est descendue à la Mecque, et bien sûr Wujud Al-Khawajij Bil-Kulliya bien avant, c'est-à-dire que ce soit pour ce qui est des Khawarij, ils ont été présents, on va dire, après Arfan. Ils ont été présents après, c'est-à-dire que le verset, il est descendu bien avant la présence des Khawarij. Donc on comprend bien ici, comme il dit, وَإِنَّمَا يَعَامَةُ فِي كُلِّ مَنْ عَدَ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ طَرِيقَةٍ مَرْضِيَّةٍ يَحْسَبَ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهَا. Ça, c'est la règle générale. Et donc toute personne qui va rentrer dans cette règle, ou qui va rentrer dans ce caractéristique global, alors le hadith, ou plutôt Arfan, le verset le concerne. Et il nous dit, c'est en fait général, ou ces versets sont généraux pour tous ceux qui ont adoré Allah Azzawajal sur une voie qui n'est pas correcte, sur une voie qui n'est pas agréée auprès d'Allah Azzawajal, alors qu'ils croient qu'ils sont sur la bonne voie. Et ça, c'est le cas des Nasara, des chrétiens, c'est le cas des Yahoud, c'est le cas des Juifs, et c'est le cas également des Khawarij. Également, c'est le cas des Khawarij. Et c'est pour ça que Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a été les voir, lorsqu'ils faisaient leur halaqad, c'est-à-dire lorsqu'ils faisaient en cercle, ils rappelaient Allah Azzawajal, et on sait dans ce long hadith qu'ensuite la plupart qui étaient présents, ils ont fait partie ensuite des Khawarij, ceux qui sont sortis sur Ali, et on sait qu'ils ont dit à Ibn Mas'ud le bien. Et à ce moment-là, Ibn Mas'ud leur a dit combien de gens veulent le bien, mais ils ne l'atteignent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris une voie qui n'était pas la voie correcte. Wallah al-musta'an. Taïb, on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. Et on continuera donc l'explication de Surat al-Ghashiya. Il reste encore quelques points à citer. On terminera, inshallah, l'explication, le prochain cours. Et on passera également à Surat al-Duha. Et bien entendu, alhamdulillah, wa min fadlillah azawajal, on aura pratiquement terminé ce livre que l'on a commencé depuis un peu plus de 9 mois. Wallillah al-hamd. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.